Yo, yo. Two people on a casual day meet, fall in love. Those happy glances make the day sweet. They got plans, eyes filled with fantasies. They got dreams, own a house and build a family. It's all perfect, nothing can go wrong. Sometimes they may fight, but they always hold strong. The world keeps turning, their love is the engine. The bright light in their eyes proves this last sentence. Negli occhi quei progetti, dentro il cuore la speranza. Fra i sussurri al buio in stanza, raro giorno di vacanza. Risparmiano da anni per raggiungere quei sogni. Manca poco più di un mese per l'altare coronarli. Ma svegliarli quel frastuono, il tremare del suono. Le urla del popolo in strada che guarda verso il cielo. L'aria è pesante, quella polvere si posa sugli sguardi di chi conosceva i fatti ed ora sa che è troppo tardi. I successivi tempi, sinfonie d'orrori, note di terrore spari scanditi dalle esplosioni. Che sicurezza lascia un cielo tinto rosso fuoco, quando la paura che ti inghiotta lascia spazio a poco. Quale germoglio cresce in terra arsa e arida, ora strappare profonde radici sembra l'unica amara soluzione contro la desolazione. Prendi solo ciò che occorre, amore, vedrai che andrà tutto bene. C'è una luce che sta soffocando nell'oscurità. La luce che ora sta morendo nell'oscurità. Des racines et leur destin commence à se dessiner. Fasciné par ce nouveau souffle de liberté. Les hostilités laissées au passé, passer les frontières. Seules les mémoires restent marquées. L'amour ton bagage porté avec fierté. Personne pourra les séparer. Arrive la destination, tout peut se réparer. Nouvelle nation, nouvelle langue. Bref, nouvelle opportunité pour une nécessité. Remis les papiers d'identité, à qui le permis et le grillage du corps réfugié écarté. Le groupe n'arrête pas de rêver, une terre promise est pleine de prospérité. Profitez, hurle une femme qui n'arrête pas de pleurer. Le sable est retourné, l'engrenage inversé. Les mains des douanes, les ont rattrapés. Le système date des grâces, on s'est trompé. Ramener derrière des grillages et l'aide au gaz. Au fond de longues semaines de captivité, ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter autant de précarité. Pour le seul fait de s'étrimer, injuste réalité. Juste bureaucratie qui les a baisés. Dernier baiser, dernière caresse, verdict décrété. Seule la femme pourra rester. L'homme retient ses larmes avec le cœur brisé. Il sait mais peut pas l'avouer. Ils se reverront peut-être jamais. Pas de regret, les années passées ensemble. Pas une vie et tous ensemble. Quel buio ci ha seguiti fin qui dall'oscurità. Che ora sta morendo nell'oscurità.